Le ghetto, ça a jamais été le paradis. On avait nos escrocs, nos ivrognes, et on se faisait exploiter par le pouvoir. Tant qu'on souffrait en silence, les autorités nous laissaient tranquilles. Ouais. On en avait plein le cul de souffrir en silence. Hey, tu nous testes, on te tanne, tu contestes. On range les mecs du Front National à coups de crosse. Tu nous testes, on te tanne, on conteste. On range les mecs du Front National à coups de crosse. Tu nous testes, on te tanne, on conteste. On range les mecs du Front National à coups de crosse. Tu le premier qui s'en mêle au désos. Tu t'aimes la merde, la récolte, puis la trouille dans l'île. Jamais que vaille, vaille dans la tête des pas de paix, sans que le poulet repose en paix. Est-ce que tu le sais? C'est qu'il faut m'éteigner. Balance le réel à grande échelle dans tout le pays. Quand t'en fais un pacte avec le diable, rien n'est fiable. Trois couleurs sur les affiches, nous traite comme des bordilles. Coupable, innocent, ça parle cash de pourcent. Mais c'est toujours la même merde derrière la dernière couche de peinture. Silence brisé par les sirènes de la police. À justice, nique sa mère. Le dernier juge que j'ai vu avait plus de vis que le dealer de ma rue. Jamais par la répression, vous n'obtiendrez la paix, la paix. Seul le crime paye, aucun report pour mes péchés. Tu me connais, je suis assez bestial pour de la monnaie. Monter des commerces, élever la tête des nôtres. Apprendre à nos petits frères que l'illicite est une faute. Et te raconte l'amertume de jeunes dans la merde. La haine, elle augmente. Nous aussi on bute un color d'affiche pour l'exemple, ça détend, ouais. J'fais pas de sentiments, kick pas gentiment. Puis mes châtiments déterminés et scellés dans le ciment. Foutez tout ce qui bouge, on se retrouvera là-haut, vous savez. Là d'où on vient, Dieu n'a pas mis les pieds. Laissé à la dérive sans rien, la rue m'a baptisé. Maintenant tu vois ce que pense quelqu'un comme moi.